Ça n'a plus de sens. Ça est tout le sens. Vous êtes tous il. Je est à l'oreille droite. Tu est à son oreille gauche. On est seul car le sujet universel est unique. Beaucoup se ressemblent. Elles deviennent toujours mon propre moi-même. Tout le monde observe tout le monde. Le monde parle au monde du monde. Les références se perdent dans le « il ». Je suis le tout, vous êtes le tout, nous sommes le tout.